Le mode de vie est le même pour ma classe sociale. Laisse le fond droit tellement que je perds l'essence. L'adrénaline monte jusqu'à l'effervescence. Je ne sais même plus quoi dire, ni quoi faire, ni quoi penser. La sono a frappé mon cerveau. Certains s'habituent à boire, fumer des mêles pas pour sortir du trou noir. Et moi des propos noirs, j'en ai des masses. Mais quand ils s'amassent, les idées claires les dévastent. Association Mixtapeur, tu télécharges et que t'es pour mon Thunder, les cousins. Faites tourner à tous, c'est fait. Une armée de frères, fais gaffe aux coups de patte. C'est un conseil, c'est qu'apparé pour la guerre. Paré sur terre, te frappe pas, c'est un conseil. La vie de vaincre est de franchir toutes ces barrières. Je prétends pas être le meilleur, mais j'ai un savoir-faire. T'avais raison de préciser, c'est contre l'état, le gouvernement et leurs lois. Faut que tu saches que dans ma voix, y'a une armée qui se déploie. Je me fais 4-1-3, tous le même combat. On rappelle les frérots, pour tous ceux qui écoutent, y'a pas de soucis. 9-4-9-5-7-7-7-7-8-4-5-5-9-9-3. Ça dit quoi les boys? Aïe aïe aïe, écoute-moi ça. C'est qu'on progresse, mais là, faut qu'on régresse. La seule chose que je vois, c'est que l'État est une déesse. Je suis marqué à vie, de mon enfance à vie. Malgré ça, je m'agrippe et je donne de mes griffes. Hip-hop, tous les acteurs de la qu'il a la baguette, Thunder, les salopes se tiennent la tête. On est là où la disquiso, ça plante au ciseau. Je mets des KO, je crois au Mouktou, pas au tarot. La meeting, conversation téléphonique, j'entends plus allô.